Bonjour, pouvez-vous nous expliquer pourquoi on se fait plus facilement astraliser le soir? Ben, parce que le soir, c'est des forces sublunaires qui sont plus fortes au niveau électromagnétique. Le soleil, c'est, comment je pourrais dire ça? La lumière du jour, ça tue pas juste les bactéries. La lumière du soleil, ça désinfecte, hein? Mais ça, c'est pas juste au niveau physique, biologique. Il y a des formes de vie, on va dire ça comme ça, qu'au niveau vibratoire, leurs corps sont pas capables de tolérer la lumière solaire. Donc oui, d'ailleurs, si vous dormez des fois le jour, si vous faites des siestes, vous allez vous rendre compte que vos rêves seront pas pareils. C'est pas le même type de rêve. La nuit, quand le soleil, quand on est dans le cône d'ombre, ce qu'on appelle le cône d'ombre, au niveau électromagnétique, là, il y a plus d'influence de d'autres corps célestes. D'autres corps célestes. Puis, il y a des choses qui parasitent l'électromagnétisme de ces corps célestes. Donc, toutes les affaires comme certaines planètes, la Lune, mais c'est plus des champs. C'est des champs. Puis bon, là, en tout cas, ça va loin un peu. C'est des affaires que, bon, ça pourrait être long, là. C'est long. Mais la lumière du jour, c'est pas juste au niveau matériel que ça agit, là. Ça agit sur toutes les plans. Ça existe sur toutes les plans aussi. C'est-à-dire, bon, même un corps céleste comme le soleil, il y a des corps sur différents plans. C'est pas juste matériel.